Les chiens ne parlent pas. Les chiens ne parlent pas. Les chiens ne parlent pas. T'es le pénisant. On tend de merde sous une pluie de claques. Dans le bruit des bottes, entend le bruit des boîtes. Comme à la pire époque, on tue les pauvres, on dit les gris et black. Filtrant la mine au frac, il frappe pas les portes, on brave l'ennemi droit dans nos flaques. Voit la France dans nos faces, sachant ce port du naufrage. Elle chante, la chasse aux femmes, hors de nos facs. Elle change de club de golf et de batte, d'idées étroites. Je méfie des révoltes, de rêves de gauche, des défilés de droite. Au mépris des lois, des bandes nazis violentes dans les stades. Privé de droit, une part de ma ville est virée au banc des stades. La bête vit comme en Espagne, dans tel rideau. Cogne sur l'esclave, la garde civile tire le rideau. Regarde ici les cartes, ils sont des pays chauds. Où on paye à la basane, des capomates, nos cuirs pour choper l'impôt sur les pots de banane. Depuis le pisse toujours sur les mêmes réverbères. De nuit, de jour, sous l'œil de verre d'un maître cerbère. La piste des chiens de race, puis les chemins de la rage. Chaque petit chef cherche son rage, bah. Mais les chiens ne parlent pas, menés au pain en laisse. Ces lèches sont lâches, en maître, reste les mêmes sauvages. Mais les chiens ne parlent pas, sous chemise noire, l'histoire oublie. C'est tapis un soir, soumis par des loups gris, tous crient. Mais les chiens ne parlent pas, c'est par croisés, ils bâtardent, ils se battent pas, mais s'assoient, ils s'y battent, ils débattent pas, ils aboient, les chiens ne parlent pas. Que des mots d'ordre résignés, pas d'idées notoires. Les pendants ont décidé de mordre et on désigne des cités dortoirs. Dessiné il y a 30 ans sur ces trottoirs, temps de mort, maintenant sur c'est trop tard, notre sort parle. L'Afrique règne en putain de bataille sur l'histoire noire. L'Afrique reste putain de bétail de l'histoire. Pétain, ils ont d'histoire. Dans ce régime fait de minorité visible, de SMIC et de fichiers ici. Visite de Schmitt, si, si. La vérité, c'est Vichy. Entends ce qui sort de la bouche des hauts commissaires. Entends de crise qui sont les bons boucs émissaires. La sauce démocratie verse du bord dans la soupe populaire. Serre nos racistes, sous-traite leur comme triangulaire. Malaise de star du PS, ça fait un Starco et un Gucci. Malek Bouti, tout toute Sarko vient bouter la racaille pour un bullshit. Boulette dans rap, parce qu'il a où il tient sa boutique. Puis quoi aussi, dans ta roulette, 100 balles et un bounty. La piste des chiens de race, puis les chemins de la rage. Chaque petit chef cherche son rage, bah. Mais les chiens ne parlent pas, menés au pain en laisse. Ces lèches sont lâches, en maître, reste les mêmes sauvages, ah. Mais les chiens ne parlent pas, sous chemise noire, l'histoire oublie. C'est tapis un soir, soumis par des loups gris, tous crient. Mais les chiens ne parlent pas, c'est par croisés, ils bâtardent, ils se battent pas, mais s'assoient, ils s'y battent, ils débattent pas, ils aboient, les chiens ne parlent pas. Qui payent le tribut de leur connerie, la représaille des tribunes comme punition. Avec brunerie, qu'ils aillent brunir en prison, dans le beau pays Zidane. Tiens, les idées de Le Pen, ils sont. Donc nous sommes là, chardin, poke, dame, t'es le pénisson.